Chapitre 9 du livre de Tobie, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Alors Tobie appela auprès de lui l'ange, qu'il croyait un homme, et lui dit « Mon frère Azarias, je vous prie d'écouter mes paroles. » Quand je me donnerai à vous comme esclave, je ne pourrai pas reconnaître dignement tous vos soins. Néanmoins, je vous conjure de prendre avec vous des serviteurs et des montures, et d'aller trouver Gabélus à Rages, ville des Mèdes, pour lui rendre son obligation et recevoir de lui l'argent, et pour le prier de venir à Ménos. Car vous savez que mon père compte les jours, et si je tarde un jour de plus, son âme sera accablée d'ennui. Vous voyez aussi de quelle manière Raguel m'a conjuré et que je ne puis résister à ses instances. » Raphaël prit donc 4 serviteurs de Raguel et 2 chameaux et s'en alla à Rages, ville des Mèdes, et ayant trouvé Gabélus, il lui rendit son obligation et reçut de lui tout l'argent. Il lui raconta aussi tout ce qui était arrivé au jeune Tobie, et il le fit venir avec lui aux noces. Et lorsque Gabélus fut entré dans la maison de Raguel, il trouva Tobie à table. Celui-ci se leva, et ils s'embrassèrent l'un l'autre, et Gabélus pleura et bénit Dieu, en disant « Que le Dieu d'Israël vous bénisse, car vous êtes le fils d'un homme très vertueux et juste, qui craint Dieu et fait beaucoup d'aumônes. Que la bénédiction se répande aussi sur votre femme et sur vos parents. Puissiez-vous voir vos fils et les fils de vos fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, et que votre race soit bénie du Dieu d'Israël qui règne dans les siècles des siècles. » Et tous, ayant répondu « Amen », ils se mirent à table. Mais dans le festin même des noces, ils se conduisirent avec la crainte du Seigneur. Fin du chapitre 9.